Deuxième heure de Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec l'Allon des Zones. Et bien sûr, en début de deuxième heure, je tiens à remercier des gens très, très spéciaux qui me permettent comme ça de vous offrir un deux heures de musique franco-canadienne. Merci à Amélie Barbeau du réseau RFA de l'Arc du Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs, directrices de programmation des stations suivantes. CJRO 107.7, 107.9, Carlsbad Verse. CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa, et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe en Ontario. Merci beaucoup de diffuser l'émission. Commentaires, suggestions, mais contact d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental. Vous m'envoyez ça à canrockcdn@gmail.com. Avant la pause, on a entendu quelques belles nouveautés. Éric Dunard, très intéressant. J'adore cette mélodie-là. J'adore le texte. Ça va tourner à Canrock, bien sûr. Et très rafraîchissant, maudit manège de Braz Camarade. J'adore Braz Camarade, donc ça va tourner également. On poursuit avec la nouveauté, pourquoi pas. Il y a Mélissa Ouimet qui nous a proposé cette semaine une nouvelle chanson, In Love Again. Chanson francophone avec des refrains en anglais, mais très intéressant. À première écoute, j'ai capoté. Waouh, tellement bon. Donc, ça fait plaisir de vous faire entendre ça. Par la suite, on va entendre Christine Saint-Pierre, Les Femmes. Christine Saint-Pierre, bon, si vous écoutez en direct le 19 avril, eh bien, à 21h ce soir, vous pouvez écouter le concert de Christine Saint-Pierre. Vous allez sur ma page Facebook de Canrock. Toutes les informations s'y retrouvent. Très intéressant. Et donc, on va écouter Les Femmes de Christine Saint-Pierre. Mais pour l'instant, voici la charmante Mélissa Ouimet. Voici In Love Again. Et j'abandonne tout. On se prend la tête. On s'emprisonne, nous. Qu'est-ce qu'on a fait de nous? On se questionne. Rien ne nous arrête. Mais j'abandonne. Et j'abandonne. Qui devient fou. J'ai mêlé un peut-être. Le présent nous déjoue. J'ai fermé les fenêtres pour tenir le coup. Dans mon périmètre, je nous abandonne. Je nous abandonne. On se prend la tête, on se pardonne tout. C'est faux ce qu'on s'avoue, on se redonne. Rien ne nous empêche, mais j'abandonne et j'abandonne. Don't make

de Flore, à tout jamais. Excellente chanson, un peu latino, chaleureux, suavé, vraiment magnifique. Eux aussi, il y avait un album qui s'en venait, mais je pense qu'à cause de la pandémie de la COVID-19, c'est peut-être remis à l'automne. On va surveiller ça. Et durement qu'on aura des informations, je partagerai ça avec vous, bien sûr. On est rendu à notre bloc instrumental et c'est drôle, cette semaine, j'ai reçu sur Facebook un commentaire d'une auditrice qui avait découvert les vidéos, les petits concerts que Marie-Véronique Bourque faisait, que je partage sur ma page Facebook de Canrock. Allez voir ça, c'est génial. Et cette femme-là, elle dit « Ah, merci de la découverte, c'était bien le fun, j'ai adoré, je vais suivre ses concerts et tout ça. » Marie-Véronique Bourque fait des petits concerts de 15-20 minutes là, à chaque soir ou à chaque deux fois par semaine, je pense. Et moi, ce que j'ai répondu tout simplement à cette femme-là, j'ai répondu « Ben, ma job est faite. Hein? » Ma job est faite. C'est pour ça, Canrock, c'est pour partager la richesse de la musique franco-canadienne d'un bout à l'autre du pays. Et si quelqu'un d'Ottawa découvre une musicienne de la Saskatchewan ou quelqu'un de l'Alberta découvre un auteur, compositeur, interprète de l'Acadie, ben ma job est faite. C'est ça mon but. Et puis, ça me fait plaisir. Donc, bien entendu, je vais vous faire entendre du Marie-Véronique Bourque. Allez suivre ça sur ma page Facebook. Il y a beaucoup de ces petits concerts de 15-20 minutes qu'elle a fait. Elle en fait régulièrement comme ça pendant la pandémie. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. On va entendre la pièce titre de son album, Une porte s'ouvre, Marie-Véronique Bourque. Et tant qu'à être dans l'Ouest, ben on va revenir un peu vers Winnipeg où Michel Grégoire, pianiste jazz, très intéressante, va nous offrir Diversity, qui est la pièce titre de son album. Et vous allez voir, c'est excellent. Mais pour l'instant, voici Une porte s'ouvre, la charmante Marie-Véronique Bourque. We'll be right back. Mm-hmm.